Eh bien, bonjour Dan. Bonjour. Dan Diagonal. Je vais te poser quelques questions sur le copyright, droit d'auteur, tout ça. Et tu peux peut-être d'abord vite nous dire ce que tu proposes dans la musique. Moi, je suis donc pianiste, chanteur, compositeur de chansons, plus ou moins comique. Je travaille avec Black Light Orchestra. Depuis 7 ans maintenant. Et j'ai déjà passé à la radio, Ah ben Panique, c'est bien. et d'autres. Au Japon notamment, on a passé à la radio et à la télé. Mais j'ai pas souvenir d'avoir touché des doigts d'auteur. Ah. Alors j'ai quelques petites questions à te poser. Il y en a six en fait. Et on peut commencer par c'est quoi pour toi le droit d'auteur? Le droit d'auteur, c'est d'abord d'avoir contrôle sur ta propre création, dans le sens que tu as le droit de avoir son mot à dire sur le sort, le destin de ton morceau. Pour qu'il ne se trouve pas dans un pub sans ta permission, par exemple. Après, c'est les droits droit d'auteur d'avoir une rémunération pour son travail. Voilà, ça c'est les. Ben, ça nous amène, ouais, à la deuxième question qui est, peux-tu vivre de tes droits d'auteur? Eh ben, s'il faut aller pas manger grand-chose, hein. Je sais pas, j'ai pas. Je suis levé de Sabam cette année, mais allez, peut-être je touche 50, entre 50 et 100 euros par an de Sabam. Je pourrais toucher plus, mais comme beaucoup de musiciens, on a beaucoup moins soigneux pour déclarer nos concerts que le Sabam pour demander des sous, des petites stations de radio, par exemple. Donc, on peut dire que tu vis pas vraiment dessus, tu vis dessus peut-être quelques jours par an, quoi. Peut-être quelques minutes. Quelques minutes. Ou voilà, ça compense quelques frais, du groupe, mais très peu. Enfin, le temps qu'on n'a pas une grande distribution, on n'a pas sur les grandes radios, on ne touche pas grand-chose, quoi. Après, on touche un peu sur les concerts. Si tu prends le temps de déclarer le concert, déclarer les œuvres, et bah, comme beaucoup de musiciens, je zappe toujours après le concert. N'empêche, le sabbat, mais n'hésite pas à demander les sous au lieu de concert, même si je ne sais pas où ils disparaissent ces sous. Ben, ils payent leurs fonctionnaires. Alors, pour continuer, tu peux me dire ce que tu penses du téléchargement sur Internet, téléchargement gratuit, téléchargement pirate, téléchargement payant. Je ne suis pas d'accord avec les sites qui proposent de télécharger mon dernier disque gratuit sans me demander. Et j'ai trouvé ça l'autre semaine, un site qui proposait ça gratuit, et j'ai écrit pour demander qu'ils arrêtent, quoi. Je trouve ça assez pas respectueux des artistes. Après, certains morceaux que j'offre gratuits, j'offre déjà mes morceaux à écoute gratuits sur Bandcamp, qui est Tu espèce peux peut-être nous donner le nom de la page. Pour que vous pouvez écouter mes morceaux gratuits sur Bandcamp. Ouais, c'est très paradoxal en fait. Mais au moins sur Bandcamp, c'est quelque part j'ai le contrôle. Si j'ai envie d'enlever des morceaux, je peux l'enlever. Et ils sont pas au téléchargement, donc. Il te peut pas les télécharger. Après, certains morceaux que tu cherches à charger pour 1 € ou 2 €, et certains morceaux que tu peux télécharger gratuitement, en échange pour tes coordonnées de mail, quoi. Je trouve que le moindre des choses, si tu télécharges un morceau gratuit, c'est que tu laisses ton mail et que tu es d'accord pour être sur le mailing de l'artiste, quoi. Qu'au moins, il y a comme ça des possibilités que tu viens au concert, quoi. Et ça doit être quand même, il doit avoir quand même un échange. Dans la musique, il n'y a pas toujours un échange monétaire, mais il y a toujours un échange de quelque chose, de service ou autre chose. Mais dans le cas où un téléchargement gratuit en masse, j'ai pas la sensation qu'il y ait un vrai échange. Oui, enfin, les gens qui en tout cas déposent leurs morceaux sous des licences art libre signalent que ces morceaux sont voués à être échangés, quoi, et qu'on peut les faire tourner. Donc c'est en principe ça accompagne le morceau. Voilà, c'est un cas qui est un peu différent quand on n'est pas, enfin quand on est sous copyright, qu'on ne met pas ces choses gratuitement en signalant que tout le monde peut télécharger. C'est normal d'avoir un retour, de savoir ce qui se passe avec ces morceaux, quoi. Alors, pour continuer, penses-tu que le copyright freine le partage de la culture? Le système en Belgique a certains défauts qui peuvent freiner le partage de la culture, effectivement. C'est un système qui est vraiment très imparfait, surtout pour les petits lieux, quoi, et les petites stations de radio. Ça veut dire que si quelqu'un, un auditeur, voudrait inviter Monsieur Daguenel à faire un concert de cuisine. Excellente idée, d'ailleurs, cher auditeur. Même pour une quinzaine d'amis. En théorie, le SABAM peut tomber dessus, demander des frais. Même si moi, j'en veux pas du SABAM, c'est une des absurdités de fonctionnement du SABAM. Il t'empêche de faire des événements tout seul, dans un cadre presque privé, mais disons avec pignon sur rue. Il t'empêche de faire des événements, ou en tout cas, tu vas devoir payer pour ces événements bien plus que tu vas en récupérer. Oui, après, c'est un risque théorique, hein, parce que quand même, ils sont pas au courant du tout. Et dans le cas où c'est vraiment une soirée privée, il y a peu de chances qu'ils vont tomber dessus, demander des frais, quoi. Mais l'autre truc qui est absurde, je trouve, c'est les petites stations radio comme Radio Panique. C'est pas des stations commerciales, donc ils n'ont pas des revenus et ils sont quand même obligés de payer le SABAM. L'argent en général qui part dans le trou noir de la caisse du SABAM ou éventuellement distribué au Johnny Hallyday ou Lady Gaga parce que voilà, on ne sait pas qui a passé sur la radio ou ils n'ont pas envie de faire le décompte, quoi. Après, bon, le SABAM, c'est pas le diable non plus, quoi. Le SABAM, c'était inspiré un peu par le PRS en Angleterre. Et en principe, je suis pas contre l'idée. Le fonctionnement de base, c'est assurer un salaire pour les compositeurs, les autres compositeurs. Je vois pas comment faire autrement, comme idée de base. Je veux dire, le principe, c'est si tu joues la musique, ma création, je suis rémunéré. Après, le SABAM, mais quand même, il prend beaucoup de frais, il prend beaucoup de temps pour distribuer les sous. J'ajoute que mon dernier disque, ça nous a coûté cher. On a investi beaucoup d'argent et beaucoup de temps là-dedans. Et on n'a pas encore récupéré notre investissement. Donc, voilà, si ça passe à la radio, sur les grandes radios, ça passe dans la salle, c'est tout ça normal que on est remboursé. Bon, ben, ça répond un peu aux deux questions suivantes qui étaient et qui sont. Comment vois-tu le partage de la culture, si s'il devait y avoir une formule un peu idéale, ce serait quoi? Ici en Belgique, il n'y a plus l'objet, il n'y a plus un objet de fétichisme comme au Japon, par exemple. Quand on joue au Japon, les gens veulent acheter l'objet, quoi. Ils veulent avoir les CD, les autocollants, les t-shirts, tout ça. Ils ont vraiment. C'est un phénomène de clan aussi. Et au Japon, c'est. Il veut ça. Ici, même si les gens aiment bien, ils achètent pas le CD. Je sais pas pourquoi. Le partage de la culture, ça c'est une question. Allez, c'est un peu. Je peux pas dire une formule de ce que moi le partage de la culture. Après, si tu commences avec le téléchargement gratuit, ça pose toute la question de. Si tu télécharges gratuit, pourquoi pas jouer gratuit? Au jouer au prix libre, ça c'est tout un autre polémique. Mais quand même, on se pose, j'ai quand même, comme tout musicien, on a fait parlant de plan prix libre, tout ça, qui veut dire plus ou moins que tout le monde, les gens mettent 3 € dans le chapeau. S'il y a 1 000 personnes. S'il y a 1 000 personnes, ouais, superbe, génial. Mais je veux dire, on joue dans une soirée à prix libre, mais quand même, le bière, c'est 1,50 € la bouteille. Je veux dire, parfois, on a l'impression d'être des cobayes pour le système monétaire du futur. Enfin, c'est très bien, mais. Qu'est-ce que je veux dire par tout ça? Je veux dire, le partage de la culture, c'est enfin, dans la musique comme dans tout, ça passe par l'amitié. C'est ça qui fait tourner les musiciens. Si on comptait toutes nos heures de travail, on ne ferait pas ce métier. Je veux dire, déjà, si tu es là-dedans, tu as quelque chose à partager. C'est évident, c'est la chose la plus importante, le partage. Sinon, ça ne va pas sur scène, quoi. Sinon, je ne serais pas en train d'écrire des chansons. Sinon, je serais banquier ou assureur, quoi. Donc, on est là pour le partage, mais le partage, c'est un échange. Et les gens ne rendent pas compte souvent quand ils voient un groupe sur scène, tout le travail qui est derrière. Le déménagement au début, à la fin de la soirée. Toutes les heures de répétition là-dedans. J'ai fait un décompte en fait récemment. Parfois, je joue pour des petits concerts d'appartement et après, je passe le chapeau et j'explique quand je passe le chapeau. Bon, c'est difficile à savoir combien de mettre dans le chapeau. Est-ce que tu comptes par le plaisir que tu as eu de la soirée, par la qualité de la prestation? Non, tu devrais compter les heures de préparation. Et si je fais le décompte les heures de préparation, j'ai commencé le piano à 5 ans. Et pendant l'âge de 5 et 8 ans, j'ai fait allez, peut-être 500 heures de travail à la maison. Et puis toute mon enfance, j'ai répété. Si je fais le décompte des heures, on arrive à une somme des milliers d'heures de travail. Donc, si tu multiplies ça par le salaire minimum belge, ça veut dire chaque fois que je fais un concert, tout le spectateur me doit environ 40 000 euros. Donc, si tu mets 5 euros dans le chapeau, c'est déjà une bonne affaire. Et puis, ben pour terminer, est-ce que enfin dans ton expérience avec la SABAM ou la SACEM, les sociétés de droits d'auteur, est-ce qu'il y a des choses particulières qui se sont passées? Je sais pas, un événement, un conflit, ou au contraire quelque chose de très positif? Si tu n'as pas gagné le concours de la SABAM. Je pense qu'on a eu un article dans le Sabah, mais il y a une fois. Mais bon, ça n'a pas vendu beaucoup de disques. Je n'aime pas spécialement aller chez le Sabam, dans ce bâtiment avec les vitres teintées, comme ça, c'est bien mafioso. Mais en fait, ils sont pas si mal que ça, le Sabam. Et si tu poses une question, ils répondent quand même, et quelqu'un dit qu'ils descendent, qui t'explique comment ça marche. C'est quand même, il y a quand même des êtres humains là-dedans. Et c'est comme toutes les administrations aussi. Tu connais quelqu'un et personnellement, quand même, ils font le possible, quoi. Après, il y a des règles qu'il doit changer, quoi, depuis des années. Hein. Je suis sur les petits lieux et sur les petites radios, moi, c'est tout ça aberrant. Mais je vois pas pour le moment comment tu peux imaginer un meilleur système. Le temps que les internautes n'ont pas le réflexe de donner quelques centimes, même pour le téléchargement, ou même envoyer un mot pour remercier l'artiste, quoi. Un petit geste comme ça, c'est toujours bienvenu, c'est toujours chouette, quoi. Et ça fait des connexions, ça fait plus de public pour les concerts, parce que maintenant, c'est les concerts, on dépend sur les concerts pour avoir des sous et avoir du monde, quoi. Donc, enfin bref, oui, le Sabam, oui, il y a des choses qui ne marchent pas, des choses qui sont pas cool, mais allez, ils sont pas des grands méchants loups non plus. Bon, eh bien, merci Dan Diagonal, donc de Blacklight Orchestra.